Amis auditeurs, amis auditrices, amis auditrices, bonjour. Viande et boudin festif culturel. Par David Myriam. Je viens de recevoir avec grand plaisir l'agenda festif et culturel du coin perdu de Cambrousse où j'habite au fond des bois. Voici un petit aperçu, pour vous mettre en bouche, du menu d'hiver des festivités, un vrai poème. Dégustation et vente de boudin. Matinée boudin. Repas chevreuil, c'est vrai qu'elle pullule ces sales bêtes, faut bien en faire quelque chose. Concours de boules lyonnaises. Ravioles, recette spéciale, farcie au boudin. Soirée chandeleur, avec confiture de boudin du terroir. Matinée langue de bœuf, de vrai bœuf ou de vache laitière de réforme tuée avant épuisement complet, pas de précision sur l'origine contrôlée de la langue. Soirée théâtre, les acteurs mangent-ils du boudin sur scène. Repas dansant, avec danse du ventre. Loto, avec un lot de boudin en premier prix. Repas tête de veau. Matinée boudin, du boudin de porc à l'âle ou de bœuf au cheval. Repas choucroute, garni de saucisses au boudin j'espère. Matinée boudin. Matinée boudin, à partir de sang de porc transgénique, nourri au minerai de cheval, OGM, bio, industriel de Chine, industriel de Pologne, ce n'est pas précisé. Concours de belote. Concours de belote. Loto. Matinée boudin, caillette et andouille, la totale. Repas gibier, j'espère qu'il y a du boudin de sanglier. Matinée boudin. Concours de belote, boudin ou tête de veau pour les heureux gagnants. Matinée boudin. So hungry. Concert avec sosie officiel de Johnny. Foire aux graines, pour faire pousser des boudins. Repas dansant, avec du boudin j'espère. Matinée duo caillette. Concert, avec lancer de boudin à la fin. Thé dansant, avec pâtisserie au boudin. Thé dansant. Loto. Vente de boudin et brioche. Loto. Repas dansant, la légèreté du boudin aide à danser. Matinée tripes et vide grenier, le ventre plein de tripes, il est plus aisé de sortir par grand froid. Matinée boudin brioche. Vente de brioche, même pas un peu farci au minerai de cheval recyclé. Thé dansant. Vente de brioche. Pourtant, je ne crois pas qu'il y ait une usine de boudin dans le coin. Apparemment, les vertus du végétarisme, ou de la simple écologie, n'ont pas encore bien pénétré nos vertes contrées. La couverture de cette délicieuse brochure de l'agenda festif et culturel ne montre pourtant aucune photo de boudin, incroyable, publicité mensongère. On voit plutôt des jolies fleurettes, des canards heureux dans l'herbe, avant leur gavage pour le foie gras local, un âne, pourtant il n'y a pas de saucisson d'âne au menu, un oubli, et des sportifs, en effet, ils aient donc intérêt à faire pas mal de sport après toutes ces orgies de boudin, tripes et têtes de veau. You are right. Bizarre, il n'y a pas de photos de cochons qui hurlent horriblement avant qu'on les mette à mort pour récupérer le sang nécessaire à la fabrication du fameux boudin. La version sonore serait encore plus explicite, pourquoi ne pas joindre un DVD multimédia à ce fantastique agenda festif et culturel. Les enfants, fans d'animaux, apprécieraient qu'on leur montre la réalité au lieu de les endormir avec des gentils contes fermiers et de les gaver de brioche au boudin sanglant. Pourtant, on nous dit partout qu'il est indispensable d'informer les consommateurs sur l'origine de la chair animale qu'ils consomment, la traçabilité visuelle du circuit de la viande, de l'élevage industriel concentrationnaire ultra-majoritaire ou du très rare petit éleveur du terroir bio-nature qu'on met partout en avant pour masquer la réalité, jusqu'à la matinée boudin, en passant par l'abattoir à la chaîne, le sang qui gicle et l'odeur de cadavre, doit être total. Avec le printemps qui arrive, les festivités culturelles vont sans doute redoubler. Bonne fête du boudin de printemps. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.